tête en haut de son trône, elle regarde son royaume. Elle perd de sentiments, s'approche d'elle. Une vie défendée n'a pas peur. Elle porte grande d'or, sa ses cruautés. Une fourchon guide de sceptre, c'est le diable qui lui prête. Elle ne dort pas, les vieilles rêves de vengeance. Essaie de conquérir ton âme par la souffrance. Le sentiment qui fait face, l'amour, l'amour. Reste seule à l'impasse, répond-elle un virus. S'intègre, s'infile, ne demande pas sa place. Dans le cœur faible, trouve la faille. Se crée un chemin dans la bière de la conscience. Elle sera un squat d'un rein animal. Fait couler le sang et les larmes, comme dans les dents de la mer. N'a pas d'origine, de famille, pestiférée. Personne n'aurait voulu l'enfanter. J'attends dire que tout le jour elle progresse. Elle commence à proposer ses idées aussi ses lois. La course au logimat, 20h à 6 du mat. Coup d'un coup le chômage. Le conduit pour son plus bas pourcentage. La haine montre de quel bois elle se chauffe. Pas de chaîne ni de paix mais tu mets au plus bas. Sa cour est composée sous tout le bouffon. Pour la faire rire, c'est leur délire. Tes corps immolés jusqu'à la maintenance de l'armée. Elle se montre en public. La solitude, la discrétion de ta passion ressort. Pareil à tuer pendant que tu dors. Voir ta frimousse de gueule d'ange tomber en larmes devant toute cette merde. Ça lui fait plaisir. Elle est cruelle, fais attention, tu risques de la croiser au détour d'une ruelle. Si elle a trouvé elle que tu bâtiras un building à son effigie. Sans peine ni ta copelle, le but c'est que tu crèves, que tu crèves. Que tu tapes des ampoules tous les jours. Que tu creuses ta tombe, que tu tombes. Elle tombe pas, elle continue, elle marche droit. C'est bientôt elle qui aura la faute, c'est plus la mort. C'est la haine. La haine prend des vies, on te l'avait dit. Comme un arbre assis sur cette terre, on essaie de la battre, puis ça c'est son écorce. Elle se nourrit de tout le mal de cette terre. Elle lâche rien, elle s'accroche. Qui bourgeoise de ses actes. C'est des bosses et des pleurs qu'elle distribue à l'intract. Elle fait sa propagande. Elle fait sa propagande. J'ai croisé la haine, elle passe parfois, elle s'attarde pas. Comme vient la fatigue de l'âme, il se part à la dérive. La haine me rive de la bouche de rivière rivée. Arriver à m'empêcher de parler contre elle. Je déploie mes ailes comme un aigle qui veut rester libre. Sans pour autant venir au calibre. Ramenez tous vos troupes armées de plumes. On parlera de nous même après avoir dépassé la lune. Achevez James. La haine appelle la haine comme l'argent avait l'argent. L'argent de la haine est le mal qu'elle produit. La haine de l'argent sont les hommes qu'elle pourrit. La haine de l'argent sont les hommes qu'elle pourrit. Sont les hommes qu'elle pourrit. Ça démarre, pas besoin de dire ouf. Que tu es au placard, les bains dans le cul, ils veulent nous mettre. Ces bandes de faux culs, qui laissent se remettre, qui laissent se remettre. DNE encore DNE, elle les a tous souillés de sa merde. Impossible de lui prendre sa couronne, cette connerie sur le trône. Je ferai tout mon possible pour l'arrêter. Ça m'énerve, mon nom de l'aide, me donne de l'aide. Quand tu crois que c'est fini, ça démarre, pas besoin de dire ouf. Que tu es au placard, les bains dans le cul, ils veulent nous mettre. Ces bandes de faux culs. Il a se faire mettre, il a se faire mettre. DNE encore DNE, elle est tout suivi de sa merde. Impossible de lui prendre sa couronne, cette connerie sur le trône. Je ferai tout mon possible pour l'arrêter. Si mes nerfs me donnent de l'aide, me donnent de l'aide. Mais faut pas que je me laisse exploser, c'est dur de résister. Mais c'est dur de résister. Pour ce, t'aimes bien de la haine.